L'édition de cette semaine de CHUO d'un extrême à l'autre peut avoir un contenu qui peut déranger certains auditeurs. Nous préférons vous prévenir à l'avance. This week's edition of CHUO's From One Extreme to Another may have content that can bother some listeners. We prefer to warn you in advance. Thank you. Cancer. C'est un pseudonyme. Et si ce pseudonyme cachait un Français dans sa bien surprise, vous osez dire que je suis un agent de l'Allemagne. C'est pour vous n'être pas à la solde des envahisseurs, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas défendre les Juifs. Demander à être libéré des francs-maçons, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas vouloir pour la France la domination bolchevique, c'est être un agent de l'Allemagne. Défendre et servir l'intérêt français dans toutes ses conjonctures, c'est être un agent de l'Allemagne. Ne pas offrir ses hommages aux trois genres de Suisse, c'est être un agent de l'Allemagne. Se rester contre les antinaxistes, milliards de fermes, assassins d'enfants, ravisseurs de femmes, qui assassins à 20 contre 1, c'est être un agent de l'Allemagne. Dans l'Allemagne, c'est la peur de France et conquis de la tête de la cause. Avec cela, vous avez la tête de personne que vous êtes trop là pour faire le travail vous-même. Aidez-moi bien, comment dites-moi. Vous comprenez que la radio judéo-communiste ont donné des litres de temps à abattre. Méthode juive, il en fut. Vous excellez l'immonde Pierre-Tac. Vous avez désigné ainsi à la mitraillette de vos agents. Des fonctionnaires, des gendarmes, des magistrats, de simples artisans, des employés, des médecins, des officiers, des musiciens, des bourgeois, des prêtres, des pas. Vous avez désolé des familles, brisé des foyers, accumulé les deuils, provoqué les attentats. Parfois, une sorte de sombre désespoir nous prenait, devant tant de lâcheté comme une sargaison, qui n'aurait jamais osé agir eux-mêmes, une mauvaise pensée nous traversait. Nous pouvions nous aussi donner des listes de gens qui seraient condamnés si vous touchiez à nos enfants, à nos femmes, à nos amis. Nous avons reculé sans ce procédé, risquer de livrer ses têtes à d'autres vengeurs. Nous n'avons pas voulu que cette menace d'avoir l'air d'une dénonciation. Et nous avons pensé qu'un jour viendrait bien où l'honnêteté ressaisirait un homme intoxiqué. Nous avons assisté au pire forfait. Nous avons vu commettre par vos patriotes tant de crimes que nous ne pouvons plus choisir entre eux qu'il faudrait révéler à ceux qui doutent encore de votre criminel et sorti de la famille. Tremblez devant vous, mais vous savez bien que si nous tremblions, nous nous perdions. Si nous nous taisions, les pièces tiraient. Elles tiraient de colère et d'indignation devant notre avilissement. Tuez, quoi que vous n'essayez pas d'insulter vos victimes, sans eux, c'est tellement triste. Là aussi, trop entendu depuis quelques années. Ce sont des actes qu'il veut. Voici les décisions que je viens de prendre. Le vainqueur de Verdun, celui grâce à qui les assaillants de 1916 n'ont pas passé, celui grâce à qui le moral de l'armée française en 1917 s'est ressaisi pour la victoire. Le maréchal Pétain est revenu ce matin de Madrid, où il a rendu tant de services à la France. Il est désormais à mes côtés comme ministre d'État, vice-président du Conseil, mettant toute sa sagesse et toute sa force au service du pays. Ici, la Radio-Diffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne. Je fais à la France le don de ma personne. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré, que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse sans n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. C'est moi seul que l'histoire jugera. C'est moi seul que l'histoire jugera. C'est moi seul que l'histoire jugera. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle. Je fais à la France le don de ma personne. C'est moi seul que l'histoire jugera. Seul que l'histoire jugera. Here he speaks of it. Here he seeks of it. Here he speaks of it. Here he seeks of it. Here he finds his last master. To assume the right and in his own mighty places. That is the most terrifying assumption. That is the most terrifying assumption. For a reverence for it bear much. For his inner glory. Here he speaks of it. Here he seeks of it. Assiégés de partout, affamés, bombardés jour et nuit, et maintenant assaillis par une puissante offensive soviétique sur la Vistule, l'Allemagne lutte toujours avec l'énergie du désespoir sous la surveillance implacable de Himmler. Les usines souterraines produisent toujours autant d'avions et de chars et livrent même les premiers chasseurs à réaction. Les sous-marins viennent de recevoir l'équipement Schnorkel qui renforce leur capacité de défense. Quant aux armes nouvelles chères à Goebbels, elles sont entrées trop tard dans la lutte pour être décisives, mais les V2 continuent leur travail. La population, terrorisée, obéit passivement, survit dans les ruines, cherche à se nourrir. Jour et nuit, l'aviation alliée déverse des tonnes de bombes sur ce qui reste des villes allemandes. Jour et nuit, l'aviation alliée déverse des tonnes de bombes sur ce qui reste des villes allemandes. Jour et nuit, l'aviation alliée déverse des tonnes de bombes sur ce qui reste des villes allemandes. Jour et nuit, l'aviation alliée déverse des tonnes de bombes sur ce qui reste des villes allemandes. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlstand der ersten Flak-Division Berlin. Die G- gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. À Dresden, le 13 février, c'est un effroyable massacre que provoque l'attaque aérienne en plein jour d'une ville surchargée de réfugiés fuyant l'avance russe en Silésie. 135 000 morts pour ce seul bombardement, dont l'horreur ne sera même pas dépassée par la bombe atomique. scène, une chambre à coucher, dont tous les meubles, toutes les tentures sont couvertes d'une poussière blanche, qui est la poussière de plâtre due à la déflagration. Tout est dans un désordre effrayant. On se demande comment le souffle d'une explosion qui se situe à au moins 50 mètres a pu produire un pareil effet. Les portes, les chaises, les boiseries, tout cela est dans un désordre innommable. La maison à côté, sur laquelle est tombée la bombe, il ne reste absolument plus rien. Et l'on nous disait tout à l'heure qu'il y avait 18 personnes dans la cave à ce moment. Je crois qu'il n'y a eu que 3 ou 4 victimes sur les 18 personnes. Un peu plus loin, nous avons vu, mes chers auditeurs, un immeuble de 6 étages qui a été littéralement vidé. Il ne reste que rien du tout de la façade, les deux murs de côté et le mur du fond. Je voyais tout à l'heure un vélo de petite fille et on me disait cette petite fille de 15 ans et demi a été tuée dans son lit. Une cloison s'est effondrée sur elle et elle est morte, ainsi que sa maman, âgée de 40 ans. Et vous, madame, vous êtes sinistrée ? Oui, oui, monsieur. Moi, je vais détruire de la place nationale là-bas. Oui, complètement détruite ? Oui, elle est pas complètement détruite, mais il y a une bombe dedans, on ne peut pas rentrer. Ah, voilà. J'espérais qu'elle ne perdra pas, j'espère bien. Oui. J'espère bien, mais écoutez, tout est démoli, tous les étages, parce que c'est dans la cour, c'est tout démoli aussi. Ah, oui. Vous savez, je n'espère pas beaucoup trouver. Où étiez-vous hier soir ? Dans la cave ? J'étais à l'abri de la cave. Non, on est descendu dans la cave quand on a vu que ça commençait à lancer des bombes. Thank you.

attentat comme la confirmé à l'insumé le premier ministre qui s'est rendu sur place cet après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, lui est arrivé il y a une vingtaine de minutes. L'air sombre, il n'a fait aucune déclaration. Le ministre s'entretient en ce moment avec les agents du service du laboratoire de police, des agents qui recueillent le moindre indice pour déterminer la nature de l'explosif. À l'angle de la rue Tilsit et de la Pétrie-Étampes, c'était 17h30 environ, et j'ai entendu une explosion assourdissante apparemment. Et donc alors je me suis mis tout de suite avancé vers le haut de l'avenue Trieland, vers le kiosque du haut de l'avenue Trieland. J'ai vu une épaisse fumée noire et j'ai entendu des gens crier. Et alors je me suis tout de suite avancé, mais les secours sont arrivés, les forces de police sont arrivées très rapidement, et j'ai pu entreapercevoir un enfant qui apparemment criait dans une poussette, un enfant qui était apparemment blessé, et une personne, une femme avec une chemise orange qui était allongée sur un banc dans un kiosque. Un arrêt de bus. Donc quelques blessés qui avaient l'air quand même touchés. Apparemment quelques blessés, oui, parce qu'il y avait des personnes allongées par terre et une femme qui était blessée, des forces de l'ordre l'entouraient. Apparemment je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement parce qu'on a tout de suite été éloigné du lieu du drame. L'explosion elle-même vous a paru très forte? L'explosion a été assez forte, oui, et j'ai entendu des personnes qui disaient qu'ils l'avaient entendu à la plaque, donc c'est quand même il y a 200-250 mètres d'ici. Là, nous parlons s'il s'agit d'un message politique. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire si c'est lié, par exemple, à la crise en Algérie ou si c'est lié à un phénomène plus large de terrorisme islamique. L'exposition de Paris est une grande compétition internationale. Mais une compétition pacifique, dont le but est d'exalter l'esprit d'invention, d'entreprise et de hardiesse. chambre dans une atmosphère de douce béatitude. Les députés assistent aux séances de travail et les couloirs sont fort peu animés. Le seul objet de leur préoccupation est la reconduction de l'exposition. Après l'ouverture de l'exposition des arts et techniques 1937, Paris est devenue grande vedette internationale. De toutes parts, visiteurs étrangers et personnalités officielles affluent vers la capitale. Délégué extraordinaire du Führer auprès du gouvernement français, le docteur Chartres, ministre de l'économie nationale du Reich, arrive au Bourget. Le docteur Chartres préside la cérémonie de l'inauguration du pavillon allemand qui dresse au quai de Tokyo sa silhouette à la fois robuste et élancée. de mes appels, ouvrez vos bras aux enfants qui ne sont pas encore des loups. Pas impuissant de ce monde anarchique, égoïste et domestiqué, ne peut se targuer d'avoir financé et influencé nos entreprises. Vous êtes vos propres commanditaires, uniques protecteurs. Vous êtes qualifiés par le commandement de vos morts victorieux, nourris par la tradition de 15 siècles d'honneur et de générosité, riche d'audace et à tous les progrès humains. De l'organisation, de la vigueur et de la pureté. Amènerez la concorde, vous assurerez la paix, et puis triomphant du drapeau tricolore, je vous souhaite Rome. Thank you. Thank you. à sa préfecture, messieurs quartiers, si pittoresques et si chargés d'histoire. Tout cela est désormais mutilé, effondré, transformé en brasier, tandis que continuent de retentir partout les explosions des bombes d'attardement. Comment saluer comme il faudrait le dévouement de ceux qui, dans des conditions aussi dramatiques, s'obstinent à assurer magnifiquement le sauvetage des survivants. Parmi ces sauveteurs, comment oublier les cheminots, qui depuis tant de mois d'ailleurs font quotidiennement preuve du plus émouvant héroïsme. Quel plus bel hommage pourrait-on leur rendre que celui-ci, ce matin, à 5h, le train des Cipex quittait Paris. Et malgré les gares incendiées, malgré les destructions de toutes sortes, il en fait à midi en gare de France. Et ce n'est pas diminuer le courage de tous ceux qui ont assuré ce voyage afin d'aider au maximum à secourir tant de détresse. Une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays. Ce mutilé, une des plus émouvantes. des lieux réservés au ministre, celui de M. Pierre Laval, qui vient d'y prendre place. Derrière lui, tous les ministres, M. le garde des Sceaux, Diabolde, M. Catala, ministre de l'économie nationale et des finances, M. Bonnard, ministre de l'éducation nationale, M. Bisson, M. Déa, ministre du travail et de la solidarité nationale, M. Grasset, ministre de la Santé et de la Famille, M. l'ambassadeur de Brino, les secrétaires d'État, M. Paul Marion, général Bridoux, amiral Bléau, Chassaigne et Darnan. Et nous ne pouvons pas ne pas penser que parmi eux, la dernière fois que nous faisions d'un reportage semblable, celui de la première venue du maréchal Pétain dans cette, à Paris ou dans cette cathédrale, parmi eux se trouvait celui qui a été lâchement abattu, le ministre, le grand tribun Philippe Henriot, dont je vois encore la silhouette mince et le visage fin dans cette cathédrale qui contient tant de souvenirs et de substances françaises. Citoyens comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot, vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à Poudre-Belleville, sous les yeux même de sa femme. Les assassins avaient réussi à arriver jusqu'à lui, en se faisant passer pour des gardiens et des défenseurs venus pour le protéger. Vous reconnaissez là la guerre sauvage et sans honneur qui se nomme la guerre civile. Faute de pouvoir répondre à Philippe Henriot, on l'a fait taire. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux, en proclamant chaque jour la vérité. Vous avez contribué à dissiper chez nous cet illusionnisme qui nous a fait et peut encore nous faire tant de mal. Verse-la à la radio, vous parlant pour la dernière fois, comme s'il avait été touché par un pressentiment, Philippe Henriot s'adressant à ses adversaires habituels, leur disait: injuriez donc, couvrez-moi de vos outrages, je ne répondrai plus. S'il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. Il avait conscience des périls dont il était entouré. Il en avait cependant accepté tous les risques pour accomplir pleinement son devoir. Il apportait dans la vie publique la ferveur de sa foi religieuse. Je puis attester dans son sacrifice que seul le patriotisme le plus pur a mûri. Il est fondé ce matin en héros et en martyrs. Je voudrais que tous, devant cette mort, en comprennent l'action. La guerre, avec son cortège de dévastations et de ruines, est porté sur notre sol. Mais nous, Français, au lieu de déchirer, nous devons nous unir. Il faut que la France lutte. Monsieur le préfet régional, monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers amis, sympathie chaleureuse et émouvante, saluer aujourd'hui, ou du moins j'espère, aurait voulu de tout mon âme. Que la réunion d'aujourd'hui est une réunion totale d'unité française. Je déplore certaines absences. Je regrette que certains aient pu devoir interpréter cette manifestation comme une manifestation la vie n'est pas neutre. Elle consiste à prendre parti activement. de notre France éternelle. village sont assemblés. Hommes abandonnés, comme une image en réunion. Solidaires dans la lutte contre les crises économiques universelles par lesquelles s'accumule le déséquilibre entre les moyens de production de la science qui renouvelle à l'âge et les capacités de la consommation. Oh! Is it over now? Is there no more to say? Is it over now? Has it ended this way?